que l'homme civilisé réduit le domaine du primitif, que la technique mécanisée détruit la vie plus rapidement que celle-ci ne se renouvelle. Ainsi, finalement, progresse et sans arrêt le front du désert. Venez d'entendre une archive de l'INA de Roger Heim, président de l'Union internationale pour la protection de la nature, datant de 1950. C'était une causerie radio sur la protection de la nature, ce qui nous permet aujourd'hui d'introduire notre sujet autour des sols plus particulièrement. Alors voilà, comment vont nos sols et qu'est-ce que la dégradation des sols ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agro J'écoute. Nous retrouvons autour de la table pour en discuter aujourd'hui Marianne Héritier, Emeline Boulanger et moi-même, Jade Brincombe. On est toutes les trois étudiantes à l'école d'ingénieurs de Purpan et ancienne colocataire. Et notre invité, Diego Diaz de Astarloa, agronome argentin, nous rejoindra dans la deuxième partie du podcast après cette délicieuse pause musicale. Nous ciblerons notre sujet sur les impacts agricoles des sols. Et après la pause, on va aborder toutes les solutions d'un point de vue toujours agricole et certains moyens de lutte contre la dégradation des sols seront évoqués. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro J'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Alors voilà, on a souvent tendance à contempler les étoiles, regarder loin, toujours plus loin. Mais en fait, est-ce que les étoiles, elles, se trouveraient pas plutôt sous nos pieds ? Et aujourd'hui, on va parler des sols. Oui, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais les sols semblent aller mal. Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement a publié en 2022 son deuxième rapport sur l'état de santé des sols dans le monde. Et ses conclusions sont plutôt alarmantes puisqu'il disait que la surface dégradée serait de 30 millions de kilomètres carrés, ce qui est l'équivalent en gros à l'ensemble du continent africain. Et en plus, cette perte en sol, elle est vraiment de plus en plus rapide. Notamment, donc, j'ai quelques chiffres. Donc, par rapport à 1950, on estime qu'elle est 30 à 35 fois plus importante. Donc, selon un documentaire de l'INA datant de 2017, s'intitulant « L'avancée des déserts, la grande menace ». Et en termes de surface, pour imaginer un peu tout ça, on estime qu'aujourd'hui, on perd chaque année l'équivalent de l'Aquitaine et de l'Occitanie en terre arable. Ah oui, quand même, c'est assez énorme. Alors, pour expliquer à nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'un sol ? Je pense qu'on peut reprendre un peu les bases. Donc, qu'est-ce que le sol, finalement ? Le sol, il est constitué de plein d'éléments. Et parmi eux, il y en a un qui est vraiment hyper essentiel. C'est le complexe argilo-humique. Alors, ce complexe n'est pas si complexe que ça. C'est un élément hyper important. Et en fait, le sol, on pourrait l'imager, en fait, voilà, c'est comme une maison. La maison des plantes, entre autres. Et le complexe argilo-humique, il sert à la fois de fondation, donc c'est-à-dire pour la stabilité, la structure, tout ça, et aussi de garde-manger pour les plantes, parce qu'il retient les nutriments utiles pour que les plantes puissent manger, quoi. Et du coup, ce complexe, il est composé un peu de deux briques, donc la brique humus et la brique argile. Mmh. Et grâce à ce complexe, le sol est stable et donc les éléments qu'il compose, ils restent en fait entre eux, quoi. Oui, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, peut-être pour expliquer d'abord qu'est-ce que l'humus, comment ça se forme. Donc en fait, avant de devenir de l'humus, c'est de la matière organique. La matière organique, c'est la matière qui va composer le vivant. Donc par exemple, nous, notre corps, tous nos organes sont de la matière organique. C'est pareil pour les plantes, c'est pareil pour les animaux. Et quand les êtres vivants meurent, la matière organique qui les compose et qui se dépose sur le sol, elle va être lentement transformée par les petits habitants du sol. Et donc, par exemple, les petits habitants, c'est les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries, voilà, tout ça. Voilà, exactement. Mmh. Et donc, en fait, c'est cette matière organique très transformée qui forme l'humus. Et pour parler un petit peu de l'argile, donc, c'est tout simplement des particules qui sont issues de la roche et qui vont donc, s'en détacher au fil du temps. Et voilà, c'est au fil du temps que l'argile et l'humus vont se former et s'associer entre eux pour former le complexe argilo-humique. C'est un phénomène qui peut prendre beaucoup de temps, parfois jusqu'à 1000 ans, pour former un seul centimètre de sol en fonction des contextes géographiques. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que la dégradation en fait ? Donc la dégradation, en fait, ça va être la fragilisation de cette structure, c'est-à-dire que notre complexe argilo-humique va se fragiliser. Et donc ça veut dire deux choses. Déjà, de un, plus de garde-manger pour notre maison, donc le sol est pauvre, il ne va plus être capable d'assurer la croissance des plantes. Mmh. Et également, on ne va plus avoir de fondation, donc les particules du sol sont moins attachées les unes aux autres et elles sont plus sensibles à s'en aller avec le vent, par exemple. En fait, c'est comme si le sol il se désintégrait, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et le stade ultime, en fait, de cette dégradation, ça serait donc la désertification. Donc, c'est lorsque trop de sol s'en est allé, finalement, et qu'aucune plante peut pousser. Donc, on a, à ce stade, on dit que le sol, il est stérile. Donc, un problème assez conséquent. Et du coup, pourquoi le sol se dégrade, finalement? Et comment il se dégrade, en fait? Oui, alors, en fait, aujourd'hui, les causes, elles sont assez clairement identifiées. Mais surtout, elles sont très, très nombreuses. Il y en a d'origine humaine, certaines ne le sont pas, ce sont d'origine naturelle. Et donc ça ferait beaucoup trop de toutes les détailler. Donc aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur les causes agricoles liées à l'agriculture. Et oui, donc pour parler un peu donc, de ces causes agricoles, l'agriculture va pouvoir jouer un rôle, notamment sur, au niveau de la quantité d'humus. Donc certaines pratiques agricoles vont favoriser la diminution de cette quantité d'humus, ce qui va plutôt limiter la formation du complexe argilo-humique et fragiliser notre sol, en fait. Oui, parce que même si l'humus, du coup, c'est une matière qui est assez stable, au bout d'un moment, bah, il se finit forcément par se dégrader sous l'effet du climat, sous la température, l'humidité. Par exemple, je pense qu'on peut prendre l'image d'un seau, un peu. C'est-à-dire que le seau percé, il faut quand même, même s'il y a un petit trou, il faut quand même le remplir continuellement. Et pour avoir la même quantité, en fait, à l'intérieur du seau, quoi. Oui, et donc, pour rappel, l'humus, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça vient bien de la matière organique. Mmh. Donc, par exemple, les végétaux morts qui se retrouvent sur le sol et sont lentement transformés. Ok. Et du coup, il y a trois grands phénomènes, un peu, sur lesquels l'agriculture, elle joue un rôle et qui participent, du coup, à l'appauvrissement en humus du sol. C'est un mot assez compliqué. Et du coup, il y a la surexploitation, la salinisation et la minéralisation. Alors, est-ce que, Emeline, par exemple, tu pourrais nous expliquer ces phénomènes? Oui, je peux vous parler de la cause la plus évidente, du coup, la surexploitation. Donc, c'est lorsqu'on ne va pas assez restituer de matière végétale dans notre sol par rapport à ce qu'on va prélever. Donc, ce qui veut dire qu'on aura moins de matière organique, donc moins d'humus au final. Donc, pour imaginer tout ça, on pourrait imaginer un petit pâtissier à qui on demanderait de réaliser un gâteau, mais avec moins de farine que d'habitude. Donc, il pourra toujours essayer de racler un peu les bords pour faire ces gâteaux, mais ça va être compliqué. Donc, c'est ce qui se passe avec la surexploitation. On ne va pas restituer assez de végétaux morts au sol, donc on ne pourra pas renouveler l'humus. Oui, et du coup, le fait qu'on ne restitue pas assez de matière organique au sol, c'est vraiment la cause principale en France de la dégradation des sols. Et ensuite, on va trouver d'autres causes, comme par exemple la salinisation des sols. Donc ça, c'est quand le sol s'enrichit en sels minéraux. Et donc, un sel minéraux, par exemple, c'est le sel de table, quoi. Oui, voilà, okay. ça en fait partie, par exemple. Ouais. Et donc, en fait, il se trouve que les sels sont souvent toxiques pour les plantes. Et donc, dans un sol salinisé, elles poussent moins, voire pas du tout. Et en plus, certains sels vont disperser les minéraux argileux. Donc, encore une fois, ça va fragiliser notre complexe argilo-humique et la structure du sol. Donc, il n'y a plus ce rôle de fondation dans le sol. Ouais, donc en fait, autrement dit, à moins il y a de farine et moins tu peux avoir de gâteaux. J'ai beaucoup aimé l'image du pâtissier. Et aussi, pour continuer, l'agriculture, quel est son rôle en fait dans la salinisation des sols? Ça se passe de partout ou pas? Alors, l'agriculture n'est pas du tout la seule cause de salinisation des sols. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup qui sont humaines comme naturelles. Mmh. L'agriculture, elle va y jouer un rôle, notamment via l'irrigation. Notamment quand elle est mal gérée, parce que parfois les eaux d'irrigation sont chargées en sels minéraux. Donc forcément, quand on irrigue beaucoup, on salinise aussi les sols. Et c'est surtout un problème dans les régions sèches et chaudes, puisqu'en fait, le sel qui est contenu dans l'eau, au lieu d'être emporté par l'eau qui s'écoule, puisque l'eau s'évapore assez vite, vont vraiment rester bloqués dans le sol. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une cause très importante en France, la salinisation. C'est plutôt une cause de dégradation des sols importante dans les régions sèches et chaudes du monde. Mais donc dans le monde, c'est quand même assez important puisque ça représente 2% des terres agricoles totales qui sont perdues à cause de la salinisation chaque année. Donc ça paraît pas beaucoup, mais ça l'est puisque c'est un peu comme si en un peu plus de 12 ans, vous aviez perdu un quart de votre jardin si ça continue j'ai à se rythme. J'ai pas envie de perdre un quart de mon jardin. Oui. C'est pas forcément la meilleure solution. Et la minéralisation, qui est le dernier phénomène qui peut expliquer le manque d'humus. Émeline, est-ce que tu peux peut-être détailler ça? Oui, donc qu'est-ce que la minéralisation? Donc en gros, donc, tout d'abord, l'humus va se créer lorsque la matière organique se dégrade lentement dans le sol. Et la matière organique peut être aussi utilisée par des micro-habitants du sol, donc les bactéries, les vers de terre, pour se nourrir. Donc ça, ça va être la minéralisation. Et c'est un phénomène qui est normal et qui se passe dans la plupart des sols. Mais quand ce phénomène est trop important, ça peut, donc c'est là que ça pose problème. Et certaines pratiques agricoles, justement, peuvent augmenter cette minéralisation. Et en fait, est-ce que, par exemple, le labour, ça peut augmenter la minéralisation? Oui, c'est le cas du labour notamment. Ok, parce que le labour, en fait, donc pour vous qui nous écoutez, c'est le fait de retourner et mélanger la terre d'une parcelle, au moins sur les 20 premiers en fait, centimètres du début. Et c'est une pratique qui est quand même assez largement utilisée aujourd'hui. Bon, ça dépend des choix de la grille, de plein d'éléments. Oui, c'est ça. Et donc le fait de labourer, donc de mélanger la terre, on va prendre les résidus végétaux en surface qu'on va rendre accessibles aux micro-organismes plus en profondeur qui vont donc minéraliser plus. Et donc le résultat, donc, ça serait plus de minéralisation, moins de matière organique restante pour faire de l'humus. Oui, et donc peut-être qu'on peut aussi parler d'une autre pratique qui accélère cette minéralisation, c'est le fait d'utiliser des engrais chimiques azotés. Ok, les engrais, en gros, les engrais, c'est des nutriments pour les plantes. Donc, ça les aide à grandir. C'est un peu comme dans les étoiles de Mario Kart. C'est-à-dire qu'on prend une étoile, ça nous permet d'aller plus loin, plus vite. Voilà, exactement. Je n'aurais pas trouvé meilleure métaphore. Mais du coup, lorsque l'agriculture s'est modernisée, les agriculteurs, ils ont eu accès justement à ces nouveaux engrais. Et ils ont pu les utiliser de plus en plus. Et donc, ils constituent une nourriture pour les plantes. Certes, mais ils sont aussi une nourriture pour les micro-organismes qui font la minéralisation. Et ces micro-organismes, ils vont être en quelque sorte boostés par ces engrais. Ils vont faire plus de minéralisation et donc, encore une fois, moins de matière organique restante pour faire de l'humus. Ok. Et finalement, il y aurait quoi comme conséquence en fait, de cette dégradation des sols? Il y en a plusieurs, mais donc, la plus évidente, ça serait une conséquence sur la capacité de production. Donc la dégradation des sols a pour conséquence de diminuer la capacité de production des sols. Et on a donc quelques chiffres. Donc il est estimé que dans les 25 années à venir, la dégradation des terres pourrait réduire la capacité de produire de la nourriture de 12%. Donc ça aurait aussi des conséquences économiques qui pourraient amener à une hausse des prix, notamment jusqu'à 30%. Oui, et déjà que, par exemple, le matin, pour avoir un peu une image, la baguette, ça s'achète 1 euro. Donc là, ce serait 1,30 euro, quoi. Oui, enfin, chez moi, la baguette est déjà à 1,10 euro. Mais donc, il y aura aussi des conséquences sociales. Pourra aller jusqu'à des troubles civils provoqués par un manque de nourriture. Il y a un exode rural aussi. Oui, ouais. Tout à fait. Et juste un mot aussi sur les conséquences environnementales. Un sol qui ne fabrique pas d'humus, c'est forcément un sol qui, du coup, ne stocke pas de matière organique, donc ne stocke pas de carbone. Mmh. Et ça va aussi contribuer au réchauffement climatique. Pour conclure, on pourrait un peu évoquer donc, qui est touché par ça. Donc, en fait, tout le monde est touché par la dégradation des sols. Donc, ce n'est pas seulement les pays chauds, comme le terme désertification pourrait nous faire penser. C'est aussi donc, nos sols européens et français. Et un exemple tout simple, dans le Languedoc, il y a 5000 ans, dû à la surexploitation agricole, les plateaux arides ont été formés. Oui, et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, c'était uniquement dû à la surexploitation ou à la déforestation, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, notre société et notre agriculture ont des moyens qui sont beaucoup, beaucoup plus importants. Donc, c'est encore pire. Donc déjà, avec la surexploitation, c'était pas top, alors là. Enfin, bon, disons qu'on a des moyens, voilà. C'est pas forcément que c'est pire, mais... Mais ce que je propose, c'est qu'on fasse une pause musicale qui a été composée par Carla Dehart pour un peu détendre l'atmosphère et vous régaler les oreilles. Et promis, sur la deuxième partie, on va aller plus sur de l'espoir parce qu'en fait, l'agriculture, elle est aussi capable de régénérer nos sols. C'est un peu la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et du coup, on retrouvera notre invité Diego Diaz de Astarloa pour nous en parler. Thank you. D'entendre Carla Dehart, une artiste très originale qui sortira bientôt son album, donc restez sur les plateformes. Alors maintenant, retournons à nos sols. Donc maintenant, on va parler des solutions. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé comment l'agriculture contribuait aussi à dégrader les sols, malheureusement. Mais en fait, l'agriculture, elle peut aussi contribuer à la formation de sols et en fait à régénérer nos sols. Donc ça dépend de quelle agriculture on parle. Et c'est ce qu'on propose en fait de découvrir avec notre invité, un expert, un agronome spécialisé qui est devenu récemment enseignant-chercheur à Purpan. D'abord, merci beaucoup pour m'avoir invité, Emeline, Jade et Marianne. Moi, je m'appelle Diego Díaz de Astarloa, je suis un jeune agronome maintenant enseignant à l'école de Purpan. Et une de mes spécialisations, surtout sur le sujet dont j'ai fait la recherche et travaillé un petit peu plus, ça a été notamment l'agroécologie, spécifiquement les cyclages, les fonctionnements de cycles de nutriments dans les systèmes agricoles en Amérique du Sud. Et justement, est-ce que vous pourriez nous donner un peu des pratiques agricoles ou des types d'agriculture qui permettent de maintenir les sols ou de les régénérer? Oui, tout à fait. Donc, on peut parler par exemple des différents exemples, c'est-à-dire quand on parle d'essayer de régénérer les sols et d'essayer de revenir vers des systèmes qui sont plus équilibrés, ben on trouve une énorme variété de différentes solutions, au moins des approches. Donc il y a l'agriculture régénératrice par exemple, c'est une des options. C'est donc une agriculture qui accumule une philosophie qui vise à conserver et améliorer la sphère environnementale, mais aussi productif. Donc, pour cela, elle va utiliser un ensemble de techniques qui, vous allez voir, sont adaptables en fonction du contexte, qui vise surtout à améliorer les qualités, la santé et la résilience des écosystèmes, plus particulièrement des sols. Cette agriculture, c'est une agriculture qui a été pas mal influencée par un phytopathologiste, agriculteur japonais, qui s'appelle Masanobu Fukuoka. Et du coup, c'est une agriculture dont on dit laisser faire, plutôt basée sur les non-agir et de pas aller contre la nature, mais avec elle. Donc, c'est quoi les principes? C'est quoi les objectifs? Bon, tout à fait, régénérer les sols, améliorer ses fonctions, percolation, rétention d'eau. On peut parler de la fertilité aussi. Ça va viser aussi à séquestrer les carbones, améliorer la résilience des sols. Et pour cela, il implémente des pratiques, notamment comme l'utilisation des fertilisants naturels, que ce soit les composts, les fumiers, l'engrais vert, ou biochar. Ça envisage aussi de maintenir un taux élevé d'humus, de la matière organique, non dans le sol, parce que la matière organique, c'est central, c'est critique quand on parle de la santé des sols. Elle vise aussi la réduction la suppression des applications des produits phytosanitaires ou l'utilisation des produits phytosanitaires plutôt naturels tels que les bourrins. Puis il y a aussi des techniques de rotation, des polycultures, cultures associées. Donc là, on va avoir la reforesterie, des plantes compagnes d'un terrain, des cultures étagées, cultures en bande aussi. Est-ce que vous pourriez détailler, par exemple, quand vous parliez d'engrais verts, quand vous parliez de compost et aussi de cultures associées, etc., un peu qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, en quoi est-ce que concrètement ça peut aider à régénérer les sols? Oui, voilà. Donc, quand on parle surtout du compost ou des engrais verts, ce qu'on cherche, c'est à essayer de augmenter et conserver la fertilité du sol. Donc, pour cela, il faut d'abord ajouter la matière organique dans les sols. Il faut incorporer la matière organique. Et du coup, les composts ou les engrais verts sont des façons. Dans les cas de compost, on va utiliser des produits alimentaires d'origine végétale ou animale qui va nous apporter une matière organique décomposée qui va à la fois apporter des nutriments et venir joindre la matière organique du sol pour améliorer la structure, par exemple, du sol. Dans les cas des engrais verts, on va faire, par exemple, des cultures. Ça s'utilise beaucoup avec des cultures fabacées parce que c'est des cultures des familles de des plantes qui ont la capacité de fixer de l'azote atmosphérique. Et donc, ce sont des plantes, c'est une biomasse qui apporte beaucoup, beaucoup de nutriments, notamment de l'azote dans ces cas, qui est le principal nutriment utilisé pour l'agriculture, pour les plantes. Donc, on va enfouir ces composts et ces engrais verts, cette biomasse, on va l'incorporer au sol pour que ça vienne augmenter et rejoindre la matière organique. Et pourquoi elle est centrale, la matière organique dans le sol? Mais tout d'abord, parce que ce qui fait que les sols restent vivants. C'est la matière organique, c'est la nourriture de tous les animaux qui sont dans les sols, tous les micro-organismes, les champignons, les bactéries, qui sont eux qui sont justement chargés de faire la décomposition de la matière des résidus végétaux, et aussi de permettre une minéralisation ultérieure, c'est-à-dire une décomposition de cette matière pour donner les nutriments qui sont utilisés par les plantes. Du coup, pour essayer justement cette agriculture, on parlait avec la régénératrice, ce qu'elle va faire, elle va essayer de maintenir ces cycles d'apport, d'incorporation des matières organiques de façon telle qu'il y ait toujours la nourriture pour les micro-organismes des sols qui vont pouvoir à la fois décomposer pour donner les nutriments à plantes. Alors, d'autre façon, si la matière organique, elle est plutôt centrale pour la structure d'un sol, parce que ça va nous permettre que l'eau s'infiltre mieux, ça va permettre qu'il n'y ait pas une structure compactée ou tassée, ça va aussi permettre d'améliorer ou de réduire, si vous voulez, les phénomènes d'érosion. Donc, ça comporte une énormité d'avantages pour les plantes, pour les végétales, et c'est un pilier de n'importe quelle agriculture qui se dit c'est durable. Pour résumer pour nos auditeurs et nos auditrices, de la matière organique, c'est très important parce que ça amène donc à la fois des nutriments, donc la nourriture des micro-organismes du sol, etc., et aussi du coup la structure. Donc c'est pour ça que mettre des engrais verts et du compost qui sont de la matière organique, ça permet de régénérer les sols. C'est bien ça? Voilà, c'est bien ça, ça aide à régénérer les sols. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas le seul moyen de le faire. On va dire que c'est un des facteurs plus importants, voire critiques, quand on parle de la matière organique du sol. Mais puis aussi, on va essayer de bien travailler un sol, de pas ces approches dites d'agriculture, que ce soit des conservations, de permaculture, agroécologie. Il y a une longue liste des différentes agricultures dont on va pouvoir à la fois, notamment, apporter la matière organique et maintenir et faire la matière organique le centre de notre stratégie pour pouvoir travailler en agriculture, mais on va aussi avoir toute une variété des actions, des activités, notamment vis-à-vis par exemple des produits phytosanitaires, les labours, donc l'utilisation de cultures associées et d'autres stratégies. Mais voilà, la matière organique, c'est effectivement central. Et est-ce qu'on peut revenir sur la définition d'un couvert? Parce que un couvert, ce n'est pas une fourchette ou un couteau. Pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette notion de couvert? Et donc, qu'est-ce qu'un couvert? Et pourquoi, en fait, c'est important que le sol ne soit pas nu? Parfait. Bon, donc, un couvert, ce que c'est une culture qu'on va planter pour ne pas laisser les sols nus. Et pourquoi c'est mauvais de laisser les sols nus? Mais tout d'abord parce que les sols, il faut les protéger. Les sols, il va être à la fois érodé, il va perdre de l'eau perte de sol à partir de les précipitations, par exemple. Donc, une des buts, c'est de limiter les phénomènes d'érosion. Et aussi, on va essayer d'avoir aussi des avantages. Par exemple, on utilise des cultures de couverture qui sont un système racinaire très puissant, très profond et très développé. Donc, ça va nous permettre aussi, par exemple, d'avoir une meilleure structure, de structurer les sols. Donc, on cherche d'abord à ne pas laisser les sols nus. C'est le principal objectif pour éviter l'érosion, pour éviter les ruissellements. Et aussi, on cherche à avoir certaines caractéristiques agronomiques qui apportent les cultures de couverture. Donc, on a parlé des systèmes racinaires, mais si ça va pouvoir être un apport de biomasse à la fin, parce que cette culture de couverture, une fois que nous, on va implanter notre culture d'intérêt plus tard, mais cette culture, ça va être aussi incorporée au sol et ça va venir faire partie, comme on avait parlé auparavant, de la matière organique du sol. Vous avez souvent utilisé le mot érosion. Est-ce que vous pouvez un peu, en quelques mots, définir qu'est-ce que l'érosion finalement? Oui, voilà. Donc l'érosion, c'est surtout la perte de sol à partir des phénomènes quand il s'agit par exemple de l'érosion éolienne, de l'érosion hydrique, c'est les vents ou l'eau qui vont venir à partir de ruissellement ou à partir de l'action de vent, ils vont venir enlever des parties de notre sol, notamment les parties qui sont les plus superficielles, donc dont là où il y a la majorité de la matière organique par exemple. Et cette eau, elle va finir finalement dans les cours d'eau, ça va finir dans la rivière, dans les fleuves et éventuellement dans l'océan. Donc, en tout, l'érosion, c'est une perte des sols qui est due aux effets de vent et de l'eau particulièrement et qu'on va par exemple aussi intensifier quand on fait des labos. Donc, c'est aussi un des intérêts de cette stratégie d'agriculture avec une approche plus écologique, d'essayer de ne pas... de plutôt protéger les sols et ne pas laisser les sols exposés à des phénomènes d'érosion. Si on comprend bien, ça veut dire qu'un sol qui a subi du coup de l'érosion, donc qui est érodé, ça veut dire que c'est un sol qui est très dégradé et donc qui peut aussi aller jusqu'à la désertification, c'est-à-dire que vraiment les particules du sol vont se détacher et être vraiment au maximum de la dégradation. Oui, voilà. En fait, l'érosion, c'est un des principaux problèmes des terres arables. Vous le savez bien, sans doute, qu'un tiers, plus ou moins, des terres arables, un tiers entre 33%, 30% et 40%, c'est dans les sources des terres arables dans la planète, sont plus ou moins menacées de disparaître. Du coup, effectivement, l'érosion, c'est des phénomènes peut-être les plus critiques. Et finalement, cette érosion, c'est-à-dire cette perte des sols, elle va finir éventuellement ultérieurement avec la désertification, qui est un sol qui est déjà presque irrécupérable, donc un désert. Donc effectivement, l'érosion, ça va vis-à-vis les contextes, vis-à-vis les situations pédoclimatiques dont on a, ça se dégrade jusqu'au moment où ça arrive à être un désert. Donc effectivement, quand on parle d'érosion, c'est le début de la dégradation des sols qui va ultérieurement finir par une sol qui n'est pas utilisée, qui est très dégradée, qui est irrécupérable. Et je finirai sur une solution sur laquelle on s'est un peu renseigné. Il y avait eu en fait la proposition, et c'est un peu des propositions voilà, qui sont actuelles en France, de, par exemple, réutiliser la matière organique urbaine, c'est-à-dire tous nos déchets verts qu'on peut jeter, notamment dans les villes, pour les urbains, et les restituer aux champs. Donc, faire un peu une action... voilà, les villes fourniraient aussi les champs, par exemple, en matière organique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, écoutez, c'est une très bonne idée, et même je me suis impliqué personnellement parce qu'avant de travailler à Purpan, j'ai travaillé justement dans une entreprise qui s'appelle Les Alchimistes, qui travaille en dessin exactement ce que vous venez de dire. D'accord. Donc, ce qu'ils font, c'est notamment récolter tous les biodéchets, que ce soit des supermarchés, des restaurateurs, mais aussi tous les utilisateurs et acteurs qui vont faire de déchets organiques. Mais eux, ils vont venir récupérer ces déchets, ils vont en faire à travers un petit système semi-industriel, ils vont faire du compost. Et l'idée, c'est justement de fermer la boucle, parce que, comme vous dites, nous, on va récolter la biomasse, donc les aliments, toute notre nourriture, on va la récolter des champs qui sont dans les alentours de nos villes, et puis tous ces déchets, tous les restes, et même des aliments qui n'ont pas été mangés, ils vont finir dans des noyaux, des nutriments, des noyaux des déchets dans les villes, dans les milieux urbains. Et donc, puis il n'y a pas une restitution, ces déchets, ils reviennent pas, il n'y a pas un moyen naturel pour lesquels ils reviennent au champ. Et juste il n'y a pas longtemps, ils étaient brûlés même. Donc aujourd'hui, effectivement, grâce à des acteurs comme les alchimistes et d'autres acteurs qui font pareil, mais on peut commencer à utiliser des stratégies qui nous permettent de faire des cycles plus vertueux, donc c'est-à-dire on va faire la collecte des biomasses dans les champs, ça va revenir pour nous, pour s'alimenter, pour se nourrir aux villes, et puis ça va être récompensé dans des produits comme les composts pour revenir à fertiliser, à revitaliser les champs. Et donc je suis tout à fait d'accord et je suis un supporteur à 100% de ces sortes de stratégies. Alors voilà, on finira sur cette note très positive avec cette idée innovante. Donc vous l'avez bien compris, je pense que voilà, la matière organique, c'est vraiment le mot préféré des agronomes. Et on peut vraiment jouer en fait sur ces apports qui sont donnés au sol pour lutter contre la dégradation des sols, par exemple. Donc merci beaucoup à notre invité, Diego Diaz de Astarloa, d'avoir répondu à nos questions. Et merci beaucoup pour cette participation, Emeline, Marianne. Ça m'a rappelé notre discussion de colocataires agronomes que nous avons été. Et voilà, c'était notre première fois sur la radio. Peut-être notre dernière, on ne sait pas. Mais merci, merci oui. À Campus FM. Oui, j'ai été ravie en tout cas de participer avec vous à cet épisode d'Agro J'écoute. Et si vous qui nous écoutez, ça vous a plu, il y en a de nombreux autres que vous pouvez aussi retrouver, même ceux de l'année dernière, sur Internet en tapant Agro J'écoute, tout simplement. Ouais. Super, ben, merci beaucoup. Et merci aussi à l'école de Purpan et la région Occitanie qui sont partenaires de cette émission. Et merci bien sûr à Campus FM. Donc voilà, on espère que lorsque vous irez vous balader, vous ne regarderez plus les sols de la même façon. À bientôt.